Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera « Salam, paix » et il aura préparé une généreuse récompense.